dans ma folie. Trahir son pote, je trouve pas ça joli. Je me saoule, je m'aère, je pleure dans mon bolide. Qui trouve ça torride? Oh, laissez-moi, je suis dans ma folie. Trahir son pote, je trouve pas ça joli. Je me saoule, je m'aère, je pleure dans mon bolide. Qui trouve ça torride? Pourquoi je suis mal? Comme un autre rêve de me faire la malle. Je peux pas quitter le quartier, c'est ma vie, man. Je crois au bon Dieu, j'ai pas peur de mes rivales. Je veux faire moins route, ouais, mais tout le temps je cale. Ma vie et les jours, mes potos, ils le savent. Pourquoi tu rôdes? Pourquoi tu cherches? À cause de toi, c'est nos mamans qui chialent. On m'a dit, c'est comme ça, c'était écrit. J'ai dit, pourquoi les bons partent en premier? On m'a dit, deux fois, ne pleure pas, mon petit. Fais les choses bien, il te rendra petit à petit. Je voulais pas. J'ai aimé, j'ai appris à donner. Je suis pas du genre à me faire pardonner. Je le sais, je suis dans mon monde, mais m'en voulais pas. Si j'ai fait ça, si tu m'oublies, je t'en voudrais pas. Mais sache bien, mon poteau, que je ne t'oublierai pas. Oh, laissez-moi, je suis dans ma folie. Trahir son pote, je trouve pas ça joli. Je me saoule, je m'aère, je pleure dans mon bolide. Qui trouve ça torride? On voulait pas, ça y est, j'ai trop donné. Si je suis bizarre, si personne me reconnaît. À la galère, moi j'étais abonné. Je faisais des temps pleins pour rien quand ça charbonnait. Je veux partir du terre-terre, atterrir sur la lune. Voir le monde d'un autre œil, ça m'attire. Je m'en fous du buzz de passer à la une. De toute façon, ils parlent de Marseille que quand ça tire. J'ai galéré moi pour sortir de l'ombre. Si je t'aime, je te protège, je suis un humble. Tout devient difficile, c'est dur d'être comblé. En plus, au quartier, ils sont sur moi les comblés. Oh, j'ai aimé, j'ai appris à donner. J'suis pas du genre à me faire pardonner. Je le sais, je suis dans mon monde, mais m'en voulais pas. Si j'ai fait ça, si tu m'oublies, je t'en voudrais pas. Mais sache bien, mon poteau, que je ne t'oublierai pas. Oh, laissez-moi, je suis dans ma folie. Trahir son pote, j'trouve pas ça joli. J'me saoule, j'm'aère, j'pleure dans mon bolide. J'ai aimé, j'ai appris à donner. J'suis pas du genre à me faire pardonner. Je le sais, je suis dans mon monde, mais m'en voulais pas. Si j'ai fait ça, si tu m'oublies, je t'en voudrais pas. Mais sache bien, mon poteau, que je ne t'oublierai pas. Oh, laissez-moi, j'suis dans ma folie. Trahir son pote, j'trouve pas ça joli. J'me saoule, j'm'aère, j'pleure dans mon bolide. Qui trouve ça torride? Oh, laissez-moi, j'suis dans ma folie. Trahir son pote, j'trouve pas ça joli. J'me saoule, j'm'aère, j'pleure dans mon bolide. Qui trouve ça torride? Oh, laissez-moi, je suis dans ma folie. Trahir son pote, je trouve pas ça joli.